Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir, je vous propose toutes sortes de trucs, de Frank Pahl en passant par Aksak Maboul, ZNR, le Pingouin Café Orchestra, Faust, les Residents, Henry Carr, Albert Marker et bien d'autres trucs. Alors, commençons. Thank you. kädessä. Vuostuspiula, vuostuspiula. Valpora, kaikki. Valpora, kaikki. Vuostuspiula, vuostusmissi. Rupsusmissi. No, suine maanu, te kaartai pitää. Kaartai pitää. Miesi, pitää merkka, mies sai. êtes à CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous venez d'entendre Man Machine, une reprise du groupe Kraftwerk, par le groupe de la République de Touva, Albert Couvezin et Yatka. C'est extrait de l'album Recovers, qui est paru en 2005. Ça a été précédé par un extrait de la pièce Arvedagvi, du chanteur finlandais Vime Saari, un chanteur lapon de Finlande qui chante en chant traditionnel sami. C'est extrait de son album Gieran qui est paru en 1997. Juste avant, vous avez entendu Yak, des Suisses et Autrichiens Christian Zender et Gregor Hilb. C'est extrait de l'album Oloid qui est paru en 2013. Juste avant, vous avez entendu The Simple Song, une reprise des Residents par le quatuor de sax allemand Deep Schrott. C'est extrait de l'album The Dark Side of Deep Schrott, volume 1, un album paru en 2014. Et on a débuté ce bloc avec St. John's Arbor Symphony par le musicien américain Frank Pahl. C'est extrait de son album The Romantic Side of Schizophrenia, qui est paru en 1994. On poursuit avec A Modern Lesson du groupe Aksak Mabul. Thank you. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air, Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous venez d'entendre dans ce deuxième bloc un extrait de la pièce Tronche à cul du groupe français Poil. C'est extrait de l'album d'Enzo Kuol qui est paru en 2012. Ça a été précédé par What Are People For du groupe britannique The Chap. C'est extrait de l'album The Show Must Go, un album paru en 2015. Et on a débuté le bloc avec A Modern Lesson des Belges Aksak Maboul. C'est extrait de l'album Un peu de l'âme des bandits, paru en 1980. Thank you.

Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc Psalter des Allemands Faust. Cet extrait de The Last LP qui est paru en 1988, il s'agit d'une compilation de vieux trucs et de pièces inédites du groupe. Ça a été précédé par la pièce Huge Baby du groupe britannique Penguin Café Orchestra. C'est extrait de leur premier disque Music from the Penguin Café qui est paru en 1976. On a débuté le bloc avec Armistice Couronne de Feuillage des Français ZNR. Il s'agit d'une collaboration entre Hector Zazou et Joseph Racaille. C'est extrait de l'album Barricade 3 qui est paru en 1976. On poursuit avec Home Age Conversation du groupe The Residents. Thank you. syntoniser CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans ce dernier bloc « Linge sale » du français Albert Marker, cet extrait de « Armes et cycles », un album paru en 1979. Juste avant, vous avez entendu « The Uncle Meat Variations » de Frank Zappa et The Mothers of Invention, cet extrait de Uncle Meat, un album paru en 1969. Ça a été précédé par Amygdala Extract, du groupe britannique Henry Cow, cet extrait du coffret 40e anniversaire qui est paru en 2009. La pièce est une version inédite qui est parue sur ce coffret. On a débuté le bloc avec Home Age Conversation, du groupe américain The Residents, cet extrait de Fingerprints, un album paru en 1977. Yeah. stakes, good reception, good response, mood, right, nice styling, and good mileage. Life is rough, the job's a bummer, no vacation till next summer, have some beers and wash some tube and get a suntan. 40 hours weekly spent on the payments and the rent, once you pay them off, will there be more to wish for? Why you're being lowered in, and not a punishment for sin, just a way of life that creeps up and just happens. You're very impolite, ask names but pay no attention, just go on with your own life, it's not their problem. You don't know how to act, but you do know you're supposed to. You don't know where to go, but you might have to. You know just what to say, but can't seem to find the words to. Go ahead and go away if that's what you want. In a rut from lines and numbers, big hand is always pressing down on you, but what's so bad about a good time? School's a bore, teacher's a joke, phone bill's high and car is broke. Yeah, things look pretty bad, but you won't cry. You've got records by the stacks and a brand new Betamax. Life is good when you've got something to go home to. 40 hours weekly spent on the payments and the rent. Once you pay them off, will there be more to wish for? Why you're being lowered in, not a punishment for sin, just a way of life that creeps up and just happens. Thank you. Terminator. Mon combiné. Tout détraqué. Mon retard. Et à travers. Faire repasser. Télépasser. Kelvin Star. Kelvinator. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, vous avez entendu dans ce bloc Hymne au confort du groupe français Chacha Guitry. C'est extrait du disque French Synthwave, Saint-Étienne 1981, un album paru en 2014. Il s'agit d'une compilation de pièces des années 80 du groupe Chacha Guitry. Juste avant, vous avez entendu 8 AM, du groupe britannique Bonadish. C'est extrait de l'album de Zaragoza Tapes, 1981-1982, une compilation parue en 2013. Juste avant, c'était No Mistakes, du groupe américain Auto Control. C'est extrait de Learn Greek in Greece, un EP paru en 1980. On a débuté ce bloc avec From the Life of King John, du groupe américain Home and Garden. C'est extrait de History and Geography, un album paru en 1984. Home and Garden, c'est le projet de deux ex-membres du groupe Parubu. On poursuit avec Waiting for Delmore de Algebra Suicide. It's like brushing your teeth in public, or being kissed in a dream by a stranger in white shoes. I get so confused. Delmore's no longer in the shower, no longer on stated oak, no longer making a fuss. Telephone calls come, asking if he is home. They hang up before I can answer. I get so melancholy when I think of his good points. How he knew what each piece of silverware was for. How he could light a match using only one hand. His talent of grinding his teeth in his sleep, clacking out a calypso rhythm that would send me tapping into the living room. Delmore, your comic books still come in the mail. The oatmeal I make for you each morning turns green well before noon. The shoebox whimpers when it recalls your feet. And I miss you. I miss you. I found I could

C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Si vous avez des questions sur le choix musical, vous pouvez nous rejoindre sur notre blog à échangeurs au pluriel .blogspot.ca ou en faisant une recherche avec les mots échangeurs d'air CKRL. Vous avez entendu dans ce dernier bloc From a Speeding Car des Britanniques Fontana Mix. C'est extrait de l'album The Noise Spiral qui est paru en 1984. Fontana Mix tire leur nom d'une pièce de John Cage. Juste avant, vous avez entendu Credit du groupe Snatch, qui est composé de Patty Paladin et Judy Nylon, deux expatriées américaines en Angleterre. C'est extrait de l'album Snatch qui est paru en 1983. Et on a débuté le bloc avec Waiting for Delmore du groupe américain Algebra Suicide. C'est extrait d'une compilation du groupe Feminine Squared qui est paru en 2013. Algebra Suicide, c'est le projet de la musicienne et poète Lydia Tomkiv. Alors voilà, c'est tout pour les échangeurs d'air de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de CKRL.